Les belles sont restées à la porte cochère et le dernier foufou de l'ancêtre déçu, ce fut celui d'une robe de serpe chère. Quand nous serons ancêtres du côté de Bicêtre, pas d'enfant de mari, oh non. Remplacez-nous les nonnes par des belles mignonnes et qui fument prénom de nom et qui fument prénom de nom. Dans l'ouvrage qu'il a consacré à Georges Brassens, André Salé raconte que durant son enfance, il a dû passer des centaines de jeudis traîné par Elvira, sa mère, au cimetière de Ramassy, le cimetière des pauvres de Sète. De quoi haïr les jeudis et les cimetières. Mais Georges ne sait pas ce qu'est la haine. Dans son œuvre, la mort et les cimetières ressurgissent régulièrement, que ce soit sous une forme sobre et tragique, ou alors, plutôt bravache, sous un aspect rigolard, badin, désinvolte. Il nous conte l'histoire de petites gens, de pauvres bougres, dont la destinée est de creuser sa tombe en faisant vite et se cachant. Et je vous propose d'entendre le fossoyeur, puis le vieux Léon. Dieu sait que je n'ai pas le fond méchant, je ne souhaite jamais la mort des gens. Mais si l'on ne mourait plus, je crèverais de faim sur mon talus. Je suis un pauvre fossoyeur. Les vivants croient que je n'ai pas de remords à gagner mon pain sur le dos des morts. Mais ça me tracasse et d'ailleurs, je les enterre à contre-cœur. Je suis un pauvre fossoyeur. Et plus je lâche la bride à mon émoi, et plus les copains s'amusent de moi. Ils me disent, mon vieux, par moment, t'as une figure d'enterrement, je suis un pauvre fossoyeur. J'ai beau me dire que rien n'est éternel, je peux pas trouver ça tout naturel. Et jamais je ne parviens à prendre la mort comme elle vient. Je suis un pauvre fossoyeur. Ni vu ni connu, brave mort, adieu. Si du fond de la terre on voit le bon Dieu, dis-lui le mal que m'a coûté la dernière pelletée. Je suis un pauvre fossoyeur. Je suis un pauvre fossoyeur. Y a tout à l'heure, 15 ans de malheur, mon vieux Léon, que tu es parti au paradis de l'accordéon. Parti bon train, voir si le bastringue et la java avaient gardé droit de cité chez Jéhovah. 15 ans bientôt, musique au dos, t'en allais mener le bal à l'amicale des feux follets. En cet asile, par Sainte-Cécile, pardonne-nous de n'avoir pas su faire cas de ton bignou. C'est une erreur, mais les joueurs d'accordéon au grand jamais, on ne les met au panthéon. Mon vieux, tu as dû te contenter du chant de navet, sans grande pompe et sans pompon, et sans affaire. Mais les copains suivaient le sapin, le cœur serré, en rigolant pour faire semblant de ne pas pleurer. Et dans nos cœurs, pauvres joueurs d'accordéon, il fait ma foi beaucoup moins froid qu'au Panthéon. Depuis mon vieux, qu'au fond des cieux tu as fait ton trou, il a coulé de l'eau sous les ponts de chez nous. Les bons enfants, la rue devant va la guetter, l'un comme l'autre au gré des flots furent emportés. Mais aucun d'eux n'a fait fi de son temps jadis, tous en restés du parti des Myosotis. Tous ces pierrots ont le cœur gros, mon vieux Léon, en entendant le moindre chant d'accordéon. Quel temps fait-il chez les gentils de l'au-delà? Les musiciens ont-ils enfin trouvé le la? Et le petit bleu, est-ce que ça ne le rend pas meilleur d'être servi au sein des vignes du Seigneur? Si de temps en temps une dame d'antan se laisse embrasser, sûrement papa que tu regrettes pas d'être passé. Et si le bon Dieu aime tant soit peu l'accordéon, au firmament tu te plais sûrement, mon vieux Léon. Peut-être pour en conjurer l'inéluctable sort, Brassens a pris le contre-pied de la faucheuse, de la camarde, la défiant, chantant sur scène « C'est pas demain la veille, bon Dieu, de mes adieux » ou la narguant en semant des fleurs dans les trous de son nez. Elle le rattrapera et Georges retrouvera le cimetière de son enfance, celui des pauvres, des petites gens, le cimetière de Ramassi, où désormais il repose. Écoutons dans son répertoire les plus emblématiques chansons sur la mort. Les funérailles d'antan, Trompe la mort, Le testament et bien sûr sa supplique pour être enterré sur la plage de Sète. Jadis les parents des morts vous mettaient dans le bain, de bonne grâce ils en faisaient profiter les copains. Y a un mort à la maison si le cœur vous en dit, venez le pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux, quand ils possèdent un mort ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, corbillards, corbillards, corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabées, macabées, macabées, macabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Maintenant les corbillards à tombeau grand ouvert emportent les trépassés jusqu'au diable Vauvert. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin de voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. L'autre semaine des salauds à 140 à l'heure vers un cimetière minable emportait un des leurs. Quand sur un arbre en bois dur ils se sont aplatis, on s'aperçut que le mort avait fait des petits. On s'aperçut que le mort avait fait des petits. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, corbillards, corbillards, corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabés, macabés, macabés, macabés ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, peu funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Plutôt que d'avoir des obsèques manquant de fioritures, j'aimerais mieux tout qu'on te fait passer de sépulture. J'aimerais mieux mourir dans l'eau, dans le feu, n'importe où. Et même à la grande rigueur, ne pas mourir du tout. Oh, que renaisse le temps des morts bouffis d'orgueil. L'époque des m'as-tu vu dans mon joli cercueil. Ou quitte à tout dépenser jusqu'au dernier écu. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, corbillards, corbillards, corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabés, macabés, macabés, macabés ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Avec cette neige à foison qui coiffe, coiffe ma toison, on peut me croire à vue de nez blanchi sous le harnais. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est rien que de la poudre aux yeux, c'est rien que de la comédie, que de la parodie. C'est pour tenter de couper court à l'avance du temps qui court, de persuader ce vieux goujat que tout le mal est fait déjà. Mais dessous la perruque j'ai mes vrais cheveux couleur de jais. C'est pas demain la veille, bon Dieu, de mes adieux. Et si j'ai l'air moins guilleré, moins solide sur mes jarrets, si je chemine avec lenteur d'un train de sénateur, n'allez pas dire il est perclu, n'allez pas dire il n'en peut plus. C'est rien que de la comédie, que de la parodie, histoire d'endormir le temps, calculateur impénitent, de tout brouiller, tout embrouiller dans le fatidique sablier, en fait à l'envers du décor, comme à 20 ans je trotte encore. C'est pas demain la veille, bon Dieu, de mes adieux. Et si mon cœur bat moins souvent et moins vite qu'auparavant, si je chasse avec moins de zèle les gentes demoiselles, pensez pas que je sois blasé de leurs caresses, leurs baisers. C'est rien que de la comédie, que de la parodie, pour convaincre le temps berné que mes fêtes galantes sont terminées, que je me retire en coulisses, que je n'entrerai plus en lice. Mais je reste un sacré gaillard, toujours actif, toujours paillard. C'est pas demain la veille, bon Dieu, de mes adieux. Et si jamais au cimetière un de ces quatre on porte en terre, me ressemblant à s'y tromper, un genre de Maccabée, n'allez pas noyer le souffleur en lâchant la bonde à vos pleurs. Ce sera rien que comédie, rien que fausse sortie. Et puis coup de théâtre quand le temps aura levé le camp, estimant que la farce est jouée, moi tout heureux, tout enjoué, je m'exhumerai du caveau pour saluer sous les bravos. C'est pas demain la veille, bon Dieu, de mes adieux. Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut si j'y suis. Alors du ciel et de la terre il me faudra faire mon deuil. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. Je ferai la tombe buissonnière, je quitterai la vie à reculons. Tant pis si les croque-morts me grondent, tant pis s'ils me croient fou allié. Je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers. Je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers. Avant d'aller compter fleurettes aux belles âmes des damnés, je rêve d'encore une amourette, je rêve d'encore m'enjuponner. Encore une fois dire je t'aime, encore une fois perdre le nord, en effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. Dieu veuille que ma veuve s'alarme en enterrant son compagnon, et pour lui faire verser des larmes, il n'y ait pas besoin d'oignons. Qu'elle prenne en seconde noce un époux de mon acabit, il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Qu'il boive mon vin, qu'il aime ma femme, qu'il fume ma pipe et mon tabac, mais que jamais morde mon âme, jamais il ne fouette mes chats. Quoique je n'ai pas un atome, une ombre de méchanceté, s'il fouette mes chats, y a un fantôme qui viendra le persécuter. S'il fouette mes chats, y a un fantôme qui viendra le persécuter. Ici gît une feuille morte, ici finit mon testament. On a marqué dessus ma porte, fermée pour cause d'enterrement. J'ai quitté la vie sans rancune, j'aurai plus jamais mal aux dents. Me v'là dans la fosse commune du temps. Me v'là dans la fosse commune du temps.

saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Tantôt venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musique jolie, le Mistral et la Tramontane. Sur mon dernier sommeil berceront les échos de Villanelle un jour de Fandango, de Tarentelle, de Sardane. Et qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus pour un petit bonheur posthume. Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Toute sa vie, Brassens est resté proche des siens. Les gens de peu, les fils de rien, les exclus de la société, les réprouvés. Eux aussi sont à l'honneur de son immense répertoire. Il chantera tant la fille de joie, la fille des rues, que celle traînée par la foule haineuse au moment de l'épuration. Il chantera l'ivrogne, le pochard, les petits paysans, les misérables des campagnes, sans oublier celle qui n'hésita pas à recueillir l'enfant abandonné et lui ouvrir généreusement son corsage. Une galerie de personnages attachants que nous allons retrouver dans les chansons qui suivent. À Mireille, dit Petit Verglas, la Tondue, l'Épave, les Croquants, Pauvre Martin et Brave Margot. À Mireille, dit Petit Verglas. Ne tremblez pas, mais je dois le dire. Elle fut assassinée au couteau par un fichu mauvais garçon. Dans sa chambre, là-bas, derrière le Panthéon, rue Descartes, où mourut Paul Verlaine. Oh oui, je l'ai bien aimée, ma petite, petit Verglas, à moi si bonne, et si douce, et si triste. Pourquoi sa tristesse ? Je ne l'avais pas deviné. Je ne pouvais pas le deviner. Non, je l'ai su après. Tu me l'avais caché, que ton père était mort sur l'échafaud, petit Verglas. J'aurais bien dû le comprendre à tes sourires. J'aurais dû le deviner à tes petits yeux battus de sang, à ton bleu regard indéfinissable, papillotant et plein de retenue. Et moi qui avais toujours l'air de te dire: Mademoiselle, voulez-vous partager ma statue ? Ah, j'aurais bien dû comprendre à tes sourires, tes yeux bleus battus et pleins de retenue. Et je t'appelais comme ça, petit Verglas. Que c'est bête, un poète. Petite chère transie, moi je ne l'ai su qu'après que ton père était mort ainsi. Pardonne-moi, petit Verglas. Volez les anges. La belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on a tondu le crâne rasibus, le crâne rasibus. son penchant prononcé pour les ichlibediche, pour les ichlibediche. Lui valut de porter quelques cheveux postiches, quelques cheveux postiches. Les braves sans culottes et les bonnets phrygiens et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien, un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu parti pour sa toison, parti pour sa toison. J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon, pour sauver son chignon. Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur, du fond de ma torpeur. Les coupeurs de cheveux en quatre m'ont fait peur, en quatre m'ont fait peur. Quand pire qu'une brosse, elle eût été tondue, elle eût été tondue. J'ai dit c'est malheureux, ces accroche-cœurs perdus, ces accroche-cœurs perdus. Et ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, qui traînait dans l'ornière, je l'ai comme une fleur mise à ma boutonnière, mise à ma boutonnière. En me voyant partir, arborant mon toupet, arborant mon toupet, tous ces coupeurs de nattes m'ont pris pour un suspect, m'ont pris pour un suspect. Comme de la patrie, je ne mérite guère, je ne mérite guère. J'ai pas la croix d'honneur, j'ai pas la croix de guerre, j'ai pas la croix de guerre. Et je n'en souffre pas avec trop de rigueur, avec trop de rigueur. J'ai ma rosette à moi, c'est un accroche-cœur, c'est un accroche-cœur. J'en appelle à Bacchus, à Bacchus, j'en appelle le tavernier du coin. Viens me la bailler belle. De son établissement, j'étais le meilleur pilier. Quand j'eus bu tous mes sous, il me mit à la porte en disant les poivreaux, le diable les emporte. Ça ne fait rien, il y a des bistrots bien singuliers. Un certain va-nu-pied qui passe et me trouve vivre, mort croyant tout de bon que j'ai cessé de vivre. Vous auriez fait pareil sans prit à mes souliers. Pauvre homme, vu l'état piteux de mes godasses, je doute qu'il trouve avec son chemin de Damas. Ça ne fait rien, il y a des passants bien singuliers. Un étudiant miteux s'en prit à Maliquette, qui à la faveur de la nuit lui avait paru coquette. Mais en plein jour, ses yeux ont dû se dessiller. Je le plains de tout mon cœur, pauvre enfant, s'il l'a mise, vu que d'un homme heureux, c'était loin d'être la chemise. Ça ne fait rien, il y a des étudiants bien singuliers. La femme d'un ouvrier s'en prit à ma culotte. Passa, madame, passa, mille et un coups de botte. Autant user le fond que si vous essayez de la mettre à votre mari. Bientôt, je vous en fiche mon billet. Il aurait du verglas sur les miches. Ça ne fait rien, il y a des ménages bien singuliers. Et j'étais là tout nu sur le bord du trottoir, exhibant malgré moi mes humbles génitoires. Une petite vertu en train de travailler, elle qui chaque soir envoyait une douzaine, courut dire aux agents, j'ai vu quelque chose d'obscène. Ça ne fait rien, il y a des tapins bien singuliers. Le représentant de la loi vint d'un pas débonnaire. Sitôt qu'il m'aperçut, il s'écria

jusqu'à l'heure du trépas, si le diable s'en mêle pas. Au fond des yeux de Bécassine, de Pervenche, prenez racine. Si belle que Sémiramis, ne s'en est jamais bien remise. Et les grands noms à majuscules, les cupidons à particules, auraient cédé tous leurs acquets en échange de ce bouquet. Au fond des yeux de Bécassine, de Pervenche, prenez racine. C'est une espèce de gredin n'ayant pas l'ombre d'un jardin, un soupirant de rien du tout qui lui fit faire les yeux doux. C'est une sorte de manant, un amoureux du tout venant, qui pourra chanter la chanson des fleurs bleues en toute saison. Et jusqu'à l'heure du trépas, si le diable s'en mêle pas, à sa bouche de belle guigne, de cerise tout à fait digne, tout à fait digne du panier de Madame de Sévigné. Les hobereaux, les gentillâtres, tombés tous fous d'elle, idolâtres, auraient bien mis leur bourse à plat pour s'offrir ces deux guignols-là. Tout à fait digne du panier de Madame de Sévigné. C'est une espèce d'étranger n'ayant pas l'ombre d'un verger, qui fit s'ouvrir, qui étrenna ses jolies lèvres incarnat. C'est une sorte de manant, un amoureux du tout venant, à chanter la chanson du temps des cerises en toute saison. Et jusqu'à l'heure du trépas, si le diable s'en mêle pas, c'est une sorte de manant, un amoureux du tout venant, qui pourra chanter la chanson du temps des cerises en toute saison. Et jusqu'à l'heure du trépas, si le diable s'en mêle pas. Il y a encore beaucoup à raconter, beaucoup à entendre de Brassens. 4 heures d'émission, c'est à la fois peu et beaucoup. Il me reste à saluer le personnage, haut en couleur et au verbe populaire. Jojo, comme l'appelaient affectueusement ses amis. Jojo le bourru, le moustachu, qui chantait pipe au bec. Jojo, si on regarde bien la vague, un peu au loin, en clignant des yeux, Jojo que l'on peut voir sur son pédalo, porté par la vague, rêvant, et qui passe sa mort en vacances. Le modeste anarcho-syndicaliste que je suis, mets chapeau bas devant ton colossal héritage. Voilà, l'hommage à Georges Brassens c'est fini, et j'espère que cette série d'émissions vous aura plu et aura ravivé pour chacune, chacun, d'agréables souvenirs. À bientôt, et encore merci pour votre fidélité et pour votre écoute. C'est avec sa jolie voix que la Dame Blanche de Saint-Germain-des-Prés, Cora Vauquer, interprète les Feuilles mortes de Jacques Prévert. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié.